La pluie, additionnée à l'eau évacuée par les pneus d'un poids lourd, nuisent énormément à la visibilité, surtout si l'on suit d'un peu trop près ce poids lourd. Pour améliorer la visibilité, deux possibilités s'offrent à moi. Ou bien je ralentis, donc je reconstruis un intervalle de sécurité de manière à ne plus être gêné par les projections du camion, ou bien je dépasse le camion. Je vais alors être très gêné le temps du dépassement, mais j'aurai effectivement une meilleure visibilité ensuite. Surtout, ne pas se précipiter dans le dépassement. Manœuvrer en prenant son temps et en toute sécurité. Réponse A et C.